Bonjour et bienvenue dans ce nouveau questionnaire au niveau des pays européens. Cette fois, nous quittons les pays nordiques pour rester dans la même région avec les pays de la mer Baltique. Donc, on a l'Allemagne, la Pologne, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie et j'ai rajouté la Russie parce que bon, c'est pas vraiment européen, mais il y a quand même un bout de Russie dans la mer Baltique. Comme la dernière fois, les questions ont rapport à ces 6 pays, puis environ une semaine après, vous aurez les réponses. Donc, question 1. De quel pays est originaire le célèbre personnage d'Hannibal Lecter? Réponse A. L'Allemagne. Réponse B. Lituanie. Réponse C. La Russie. Question 2. Lequel de ces hommes a le plus terrorisé son peuple en Russie? Réponse A. Gorbatchev. Réponse B. Staline. Réponse C. Ivan le Terrible. Question 3. Quelle est la capitale de l'Estonie? Réponse A, Tallinn. Réponse B, Riga. Réponse C, Moscou. Question 4. Laquelle de ces célèbres pirates est allemand et surtout est une légende grâce à sa mort? Donc réponse A, Bartholomé Robert. Réponse B, Edward Teach dit Barbe Noire. Réponse C, alors Klaus Störteberger. Question 5. Quels sont les noms des deux grands X-Men russes, Colossus et Magique? Réponse A. Peter et Ilyana Rasputin. Réponse B. Piotr et Idina Rasputin. Réponse C. Piotr et Ilyana Rasputin. Question 6. Combien de fêtes nationales possède la Lituanie? Réponse A, 3. Réponse B, 2. Réponse C, 1. Question 7. Quelle célèbre polonaise a travaillé sur l'uranium et a eu des prix Nobel? Réponse A, Marie Rubik. Réponse B, Marie Sklodowska. Réponse C, Marie Rubel. Question 8. Quelle est la monnaie de l'Estonie? Réponse A, le double. Réponse B, couronne estonienne. Réponse C, l'euro. Question 9. De quelle nationalité sont Crâne Rouge, Baron Zemo, Diablo, et l'agent Devil North? Réponse A, autrichien. Réponse B, allemand. Réponse C, estonien. Question 10. De quelle origine est la célèbre actrice et mannequin Irina Shayk? Réponse A, brésilienne. Réponse B, russe. Réponse C, grecque. Question 11. Quel film provenant d'une célèbre histoire a été réalisé par un Lituanien? Réponse A, Le Petit Prince. Réponse B, La Petite Sirène. Réponse C, Hansel et Gretel. Question 12. Combien de monnaies possède l'Allemagne? Réponse A, 1. Réponse B, 2. Réponse C, 4. Question 13. Dans quel pays se trouve Auschwitz? Réponse A, Pologne. Réponse B, Allemagne. Réponse C, France. Question 14. Comment nomme-t-on la langue en Lettonie? Réponse A, lettonien. Réponse B, letton. Réponse C, lettonais. Question 15. Combien de langues officielles parle-t-on en Allemagne? Réponse A, 7. Réponse B, 5. Réponse C, 10. Question 16. Laquelle de ces marques est allemande? Donc réponse A, Scorpio. Réponse B, Nivea. Réponse C, Brut. Question 17. Laquelle de ces mannequins polonaises a joué dans la pub Nina et Luna? Réponse A, Magdalena Frackowiak. Réponse B, Andrea Rubik. Réponse C, Magdalena Vrabel. Question 18. Comment se nomme l'acteur allemand ayant joué le baron Zemo dans Civil War? Daniel Radcliffe. Réponse B, Daniel Brühl. Réponse C, Daniel J. Question 19. Lequel de ces plats mange-t-on en Lettonie? A. Le punčkis. Réponse B. Elinaï. Réponse C. Soupe de mouton aux légumes. Question 20. Quelle est la nationalité d'Henrik Lentscher, alias Magneto? Réponse A. Allemand de parents juifs allemands. Réponse B. Polonais de parents juifs polonais. Réponse C. Allemand de parents juifs polonais.